Bonjour et bienvenue sur Radioactive. Aujourd'hui, nous accueillons le club à deux de Posé sur 6 pour vous parler de ces trois sujets, le sport, les jeux vidéo et la pêche. Et nous commençons tout de suite par le sport avec Florian, Sofiane et Germain. Bonjour Raoul, comment allez-vous? Très bonjour, bien et vous? Bonjour Raoul, comment tu vas? Et toi, tu vas bien ou pas Germain? Bien. Alors, je posais quelques petites questions à Germain et Sofiane. Que pratiquez-vous comme sport? Je vais commencer par Germain. Je pratique le tennis. Ok. Sofiane, tu pratiques quoi comme sport? Je préfère le ping-pong. Toi, tu fais du ping-pong. Très bien. Germain, pourquoi pratiques-tu ce sport? Je pratique le tennis parce que, de un, c'est un sport individuel. Et deuxièmement, c'est ce que toute ma famille fait. Ok, très bien. Donc, c'est ta famille qui t'a un petit peu donné envie de faire du tennis. C'est ça? Très bien. Oui. Sofiane, pourquoi fais-tu du ping-pong? Parce que j'ai la raquette de la balle. Ok, très bien. La raquette de bleu, là. Très bien. Et tu aimes bien la raquette bleue pour faire du ping-pong? La raquette de ping-pong. Très bien. Okay. La balle de quoi, là? Très bien. Eh bien, super. Germain, est-ce que tu fais un autre sport? Oui, je fais aussi du BMX race. Du BMX race, c'est quoi? Le principe du BMX race, c'est on part sur un terrain et sur la grille, on est 8. Et le principe, c'est d'arriver le premier sur les 8. Ok, au très bien. Au bout de la piste. Et du coup, pourquoi tu as choisi ce sport? C'est par pur hasard, c'était en regardant la télé quand j'avais, je crois, 8-9 ans. Et j'avais vu des gens faire du BMX freestyle de 10 ou 13 ans. Et les figures qu'ils faisaient m'avaient assez impressionné. Okay. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée. Ok, très bien. Et toi, Sofiane, est-ce que tu pratiques un autre sport que ça? Ouais. Oui, tu fais quoi? Le bowling. Ok, le bowling. Ok, très bien. Le bowling. Ok, trop bien. Eh bien, super. J'adore le bowling aussi. Germain, pourquoi tu préfères les sports individuels? Je préfère les sports individuels parce que j'ai toujours eu peur du regard des autres, de mon équipe. Et j'ai toujours eu peur, tout simplement d'être harcelé, on va dire, par mes coéquipiers si je n'étais pas assez fort. Okay. Ok. Donc c'est la pression un peu des autres joueurs, donc tes coéquipiers, de mal faire les choses, ça? Oui, c'est ça. Ok, très bien. Ça marche. Et du coup, Germain, tu as une mauvaise expérience déjà ou c'est quelque chose que tu penses? J'ai déjà eu des mauvaises expériences, oui, et j'ai peur que ça se reproduise. Ok, et tu peux nous expliquer la mauvaise expérience que tu as eue? Dans mes souvenirs, c'était au collège. J'avais des copains qui faisaient l'AS et du coup, j'avais envie d'essayer aussi. Et okay. J'avais essayé l'AS foot, sauf qu'en fait... J'avais été dans une équipe, mais sans personne que je connaissais. Et du coup, tout le monde me disait que j'étais nul et tout et tout. Ok, ça marche. Eh bien, nous avons terminé pour la part de Germain, Florian et Sofiane. Et tout de suite, nous allons écouter des milliers de Je t'aime de Slimane. Et on se retrouve tout de suite après la musique. Allez, on y va. Plus besoin, j'étais trouvé. S'il y a rien, le mal qu'on m'a fait, j'étais trouvé. Je pensais tu savoir de l'amour, ce n'est pas vrai. Si je l'ai fort, c'est beaucoup plus fort. Regarde comme mon épaule est sur le même padeau. Oh non, y'a pas plus beau, l'amour c'est jamais trop. Si tu jolais comme je l'aime, mon petit cœur à la traîne. Si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu jolais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Si tu as eu la paix, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Se battre contre un monde qui nous dit d'arrêter l'humain. Dans le froid, dans les larmes, je serai ton bouclier. Si c'est trop, si t'as peur de la balle et hacher. Je te tiendrai plus fort, je lèverai plus fort. Regarde regarde comme mon épaule sur le lampado. Oh non, y'a pas plus beau et je sais jamais trop. Si tu savais quand je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Tu as de la paix, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais quand je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Et si tu as de la paix, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Mon petit cœur à la, ton petit cœur à des milliers de je t'aime. Ton petit cœur est dit, je t'aime. Si tu allais quand je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Si tu as de la paix, tu trouveras dans mes bras des milliers, je t'aime. Si tu allais quand je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Si tu as de la paix, tu trouveras dans mes bras des milliers, je t'aime. Et si tu as de la paix, tu trouveras dans mes bras il, je t'aime. Bravo! Bravo, Sofiane! On applaudit bien fort, Sofiane et Florian pour la performance! J'ai rien fait pour moi! C'était Slimane des milliers de je t'aime. Vous êtes sur Radioactive et nous enchaînons tout de suite sur la deuxième interview de Youssef et Baptiste qui va vous parler de pêche. Eh bien, bonjour! Je vais poser quelques questions à Baptiste. Quelle est la canne à pêche que tu préfères pour pêcher? Le lancer. Pourquoi? Parce que c'est souple et maniable. Et t'as pas d'autres canne à pêche que tu préfères, que t'aimes bien? Si, la canne à coups. Et la canne à coups, c'est quoi ses particularités? Bah, c'est que c'est une canne, mais sans moulinet. Mmh. Et comment on pêche? Avec des leurres, avec des bouchons? Avec un bouchon et un hameçon. Et on a des appâts? Oui. Mais dites-moi les gars, il y a combien de types de canne à pêche? Parce que là, vous en avez dit les deux, mais peut-être qu'il y en a plus. Enfin, j'aimerais juste avoir quelque chose en plus. Tu sais pas trop? Non, je sais pas trop. Bah, c'est pas grave, c'est juste une petite intervention, voilà. Oui. Je m'intéresse bien, donc. Quel poisson tu préfères pêcher? Le brochet. Et pourquoi ça? Parce que c'est plus vif et plus fort. T'as d'autres poissons que t'aimes bien pêcher? Ouais, le gardon. Le gardon, et pourquoi ça? Parce que c'est petit et facile à attraper. Et tu sais dans quel lac, rivière, je sais pas, où les pêcher? Si, la Montanerie, à Amboise. Ok. Quelle chose tu préfères dans la pêche? Qu'est-ce que t'aimes dans la pêche? Le calme, la patience, et surtout combattre avec des poissons. Et t'aimes bien être un peu tout seul, pas de bruit, rien? Non, moi j'aime bien ça. Et t'aimes bien combattre les poissons? Ouais. T'as fait combien de temps que tu fais ce sport-là? À peu près 12 ans. 12 ans? Et comment t'as découvert ce sport-là? Grâce à mon père. Grâce à ton père? Et il te l'a fait découvrir vers quel âge un peu? 4-5 ans. 4-5 ans? Et t'aimes bien ce sport? Ouais. Bah, merci à vous deux pour cette incroyable interview sur la pêche. Nous enchaînons avec le groupe suivant pour parler du jeu vidéo Super Smash Bros. Alors, nous avons Ethan Kenael. Bonjour. Bonjour. Je vais poser quelques questions à Kenael. Kenael, peux-tu me dire quand est sorti le premier jeu Smash Bros? Le premier jeu Smash Bros, donc c'est-à-dire Smash Bros sur Nintendo 64, il est sorti le 21 janvier 1999 au Japon. Et peux-tu me dire quel est ton personnage Smash Bros préféré? Moi j'adore jouer Joker, même si c'est un perso qui est payant. Je pense qu'ils auraient dû le mettre dès le début sur le jeu. Et je trouve que sa mécanique de bouger super vite et de mettre beaucoup de dégâts, je trouve ça super bien. Et toi, Raoul, c'est quoi ton personnage de Smash Bros préféré? Alors, personnellement, j'adore jouer Kirby. Vraiment, je trouve que sa mécanique qui fait qu'il est très polyvalent dans les airs et au sol, le trouve très fun à jouer. Et toi, Ethan? Bah, moi, c'est Roy, un type épéiste qui peut jouer, du coup, en appuyant sur B bas, qui permet de contrer les attaques, par exemple les ultis. Donc après, voilà. Et toi, Sofiane, quel perso t'aimes bien dans Smash Bros? Luigi. Luigi. Kenel, il y a beaucoup d'univers dans Smash Bros? Ah, il y en a énormément. Par exemple, il y a Final Fantasy, Mario, Pokémon. Il y en a énormément d'autres. Comme tout mélangé dans l'univers Nintendo. Ce qui est bien avec Super Smash Bros, c'est que c'est une licence qui a permis de réunir beaucoup de fabricants de consoles différents. Sega, Nintendo, même Namco, le créateur de Pac-Man. Donc voilà, c'est ma petite aparté pour dire que je trouvais ça très fun. Voilà. Kenel, combien y a-t-il de personnages sans compter les DLC? Sans compter les DLC, c'est-à-dire les personnages payants qu'on achète avec du vrai argent, il y en a 69. Et en comptant les DLC, il y en a 72, c'est-à-dire 3 personnages payants. Est-ce que tu penses que Smash Bros est un jeu compétitif? Je m'intéresse pas trop à ça, mais j'ai vu pas mal. Et il y a beaucoup de compétitions, des championnats du monde, des championnats d'Europe, des championnats de France même. Et ce que je trouve très drôle, c'est que c'est surtout les mêmes personnages qui ressortent. Des personnages rapides, petits. C'est vrai que les gros, on va dire les gros tanks, sont peu joués comparés aux personnages petits et rapides. Donc je trouve ça très fun, enfin voilà, de parler. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis présentateur, mais je fais aussi partie de la junior association Level Up, qui au club ado, qui parle justement du jeu vidéo Super Smash Bros. Donc voilà, si j'interviens, je... Et Raoul, pourquoi tu peux nous dire que les tanks, on les joue moins que les autres? Eh ben parce que comparé aux personnages petits, ils sont rapides. Et les tanks, même s'ils se font éjecter du terrain moins rapidement, ils sont assez lourds et donc très peu mobiles. Et Smash Bros, c'est un jeu très, très mobile. Donc voilà. Mais les personnages lourds, comme tu dis, ils sont très forts parce qu'ils ils mettent beaucoup de dégâts. Je prends l'exemple, par exemple, de Ryu, qui est un personnage joué à haut niveau, alors que c'est un poids lourd. Parce qu'il a énormément de mécaniques d'attaque. Il est très dur à jouer, mais super impressionnant. Il met beaucoup de dégâts. Et pour un personnage lourd, bouge très bien. Ah oui, après, ça, c'est pas tous les personnages. Mais je trouve que les personnages lourds sont moins joués. Mais voilà. Mais après, le problème avec les personnages légers, c'est quand on connaît leurs mécaniques et qu'ils sont légers, on peut réussir à les contrer. C'est vrai. Bon, après, je suis peut-être un... J'adore les personnages légers en même temps, mais voilà. Moi, je voulais juste dire que ce jeu, il était impressionnant par toutes les stratégies qu'il y a. Genre, le déplacement des personnages, qui, si tu fais un faux pas, tu t'es dégagé direct. Et je trouve ça impressionnant comment les joueurs pro, ils jouent. Et oui, c'est vrai que je trouve ça bien aussi, le fait que les personnages viennent d'univers différents donc, et des pouvoirs différents. Et par exemple, voir Ken de Street Fighter faire un Kamehameha sur Pac-Man, je pense que c'est vraiment exclusif à ce jeu-là de voir ça. Enfin, voilà. Dernière question. Est-ce qu'on peut jouer en multijoueur? Bien sûr. Ah. De base, il y a le jeu en ligne. Il y a des tournois qui sont proposés par le jeu, des tournois sans cash prize. Juste comme ça, ou bah voilà, c'est en ligne. Après, ça faut avoir l'abonnement de la Switch. Après, enfin, pour Super Smash Bros Ultimate, hein, je parle. Mais sinon, oui, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs par équipe, en 2 équipes et en combat. Voilà. Et 4 joueurs en solo aussi. Après, ce que je voulais dire, c'était que aussi, il y a des énormes tournois organisés sur tous les différents jeux Super Smash Bros. Donc, on a oublié de les énumérer. Donc, on a Smash Bros. 64, Smash Bros. Melee, Brawl, Wii U ou 3DS, et enfin, celui où on joue Ultimate. Après, j'ai entendu une info, c'est pas sûr, c'est pas prouvé, mais apparemment, ça serait le dernier Ultimate, parce qu'ils en ont trop fait. Et ils voudraient que ça soit vraiment le dernier à sortir. Je sais pas, mais on est... Le créateur qui est Masahiro Sakurai. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Hein. Oui, c'est vrai que Masahiro Sakurai est un grand développeur. Il a, je pense, pour moi, développé un des meilleurs jeux vidéo du monde. Et il est comme toi, parce que t'aimes bien Kirby, c'est ce que tu nous as dit. C'est mon perso préféré. Et il a mis Kirby au summum de son jeu, c'est-à-dire que vraiment, c'est le premier personnage qu'on a, et c'est un des personnages qui a le plus de possibilités et tout. C'est le meilleur. Enfin, pour ceux qui n'ont pas compris la possibilité de Kirby, c'est qu'il peut aspirer un personnage, enfin, les voler ses pouvoirs. Et prendre son side B, son B côté. Non, son B base. Non, son side B. Non, son B base. Bécoté, c'est le marteau. Non, c'est son side B. Je suis main Kirby. C'est son side B. Bon, après, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, on n'est pas là pour débattre sur quelle attaque ils volent. Hein. Donc voilà, c'était la fin de cette interview que j'ai trouvée très très intéressante. Merci à tous de l'avoir écoutée et nous passons à la prochaine interview. Et maintenant, nous allons parler de K-pop Demon Hunter, un dessin animé sorti sur Netflix avec Gaspard, Diane et Ethan. Bienvenue sur Radio Actif. Je vais vous présenter mes camarades. Dayan à ma droite et Gaspard à ma gauche. Moi, je m'appelle Ethan et aujourd'hui, on va vous présenter le sujet K-pop Demon Hunter, le nouveau film sur Netflix qui fait fureur. Alors, K-pop Demon Hunter est un film d'animation musicale américain. Il a été réalisé par Maggie Kang et Chris Appleands. Il est sorti cet été 2025 sur Netflix. Le film est composé de trois personnages, dont Rumi, qui est jouée par Arden Cho. Rumi est comme la leader du groupe et elle est toujours prête à combattre. Mira, jouée par Mei Hong. Mira est toujours prête à combattre pour solidifier le Honeymoon. C'est quoi le Honeymoon ? Alors le Honeymoon, c'est on va dire un bouclier qui sépare le monde des démons du monde terrien, on va dire. Ok. Et ensuite, pour la fin, la troisième, Zoé est jouée par Lisa Koshy. Comme Rumi et Mira, elle est toujours prête à solidifier le Honeymoon pour empêcher les démons de pénétrer dans le monde humain. L'histoire se passe en Corée du Sud, donc en 2025 de nos jours. Les membres d'un groupe de K-pop se servent de leur identité secrète de chasseuse de démons afin de protéger le monde d'une menace surnaturelle. Kuima envoie un groupe de démons composé de garçons qui, dans le monde réel, se transforme en un groupe de K-pop nommé les Saja Boys. C'est qui les Saja Boys ? Les Saja Boys, c'est un groupe de démons. À la base, ils sont faits pour piquer les fans du Honeymoon, en fait, les fans de Hunter, qui est en fait le groupe de Zoé, Mira et Rumi. Et en fait, Hunter se sert des fans pour pouvoir renforcer le Honeymoon. Et du coup, bah, c'est ça ce que les Saja Boys font. Ils piquent les fans. Et donc, bah, du coup, toutes les Saja Boys essayent de piquer toutes les âmes des Hunter pour les donner à manger, si on peut dire ça, à Kuima pour que ça le renforce et pour qu'il détruise le Honeymoon. C'est qui votre personnage principal ? Alors, préféré, préféré. Hein ? Alors, Dayan ? Moi, c'est Zoé. Ah, bah, moi aussi. Et toi, Gaspard, alors ? Je sais pas, je l'ai pas regardé. Ah, bah d'accord, bon, bah voilà. Et pourquoi tu l'as pas regardé en fait ? Parce que ça m'intéresse pas. Ah bah d'accord. C'est quoi ce qui est intéressant dans le film ? Ah, c'est surtout c'est les chansons. C'est surtout les chansons parce que bah elles ont des voix magnifiques en vrai et surtout c'est que c'est super drôle. Il y a Zoé toujours à côté de la plaque. Et bah en vrai c'est un film très drôle. Moi j'adore en tout cas. Après parce qu'elles ont chacun leur caractère aussi. Oui, bah, ouais. Du coup comme il a dit Ethan, Zoé elle est toujours à côté de la plaque. Mira, elle est toujours prête à combattre, elle est toujours... Un peu gothique. Okay. En mode, dès qu'il y a un truc qui lui plaît pas, elle s'énerve un peu. Et Rumi, bah, du coup, toujours prête à tout faire. Donc, bah, même quand il n'y a rien à faire, elle trouve toujours un truc à faire. Et surtout, le Rumi, c'est un peu la leader, on va dire. C'est qui le personnage principal ? Bah, c'est surtout Rumi, en vrai. Rumi, parce qu'on suit son histoire et tout, et... Bah après, du coup, il y a tout ce qui se passe. C'est qui, Kuima ? Kuima, c'est le chef des démons. C'est celui-là qui envoie les démons et qui mange les âmes. C'est surtout ça, en fait. Okay. On était contents de vous présenter ce film. Bah, c'était la fin de notre émission, en tout cas. Mais il y en a d'autres du Club Ado qui vont venir. Parler d'autres sujets de possé. Enfin, surtout, plein de choses. Vous allez voir, c'est super intéressant. Restez avec nous. Merci pour cette incroyable interview. Nous passons à Jean, Valentine et Estelle qui vont vous parler du rappeur Wer Renoir. Eh ben bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Estelle, je suis animatrice jeunesse au Club Ado de Possé-sur-Cisse et aujourd'hui du coup nous allons parler de Wer Renoir, de son vrai nom Jérémy Bana Owana. Donc Wer Renoir est né donc le 30 janvier 1994 à Melun et il est malheureusement donc décédé le 17 mai 2025 dernier à Paris à 31 ans. On va discuter un petit peu de son parcours. Et du coup, j'ai avec moi donc Valentine. Valentine, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va super. Donc Valentine, est-ce que tu peux me parler un petit peu de son parcours ? Il était d'origine camerounaise. Il était très discret sur sa vie privée. Il préférait s'exprimer à travers sa musique, qui est devenue sa passion. Ok, d'accord. Et comment on peut décrire du coup sa musique ? C'était un style énigmatique. Il écrivait des textes très puissants, souvent mélancoliques, qui mélangeaient la rue et les émotions brutes. Ok, très bien. Et à quel moment, du coup, il est arrivé un peu dans le monde de la musique ? Quel a été du coup son lancement, on va dire ? C'était en février 2021. En quelques années, il est devenu l'un des artistes les plus influents et respectés du rap français. Ok. Moi, je sais qu'il avait fait pas mal de collabs avec certains artistes, notamment Nino. Est-ce que tu peux me dire à peu près combien de singles il a fait ? Il a fait 3 singles, disque d'or et disque de diamant. Ok, ah ouais, c'est quand même un parcours qui est assez pas mal. On reçoit aussi également Deyane avec nous. Bonjour Deyane, comment Bonjour. Vas-tu ? Ça va. Ok. Toi, tu es un grand fan de Ouai Renoir ? Ouais, ça... Grand fan, c'est peut-être un grand mot, mais ouais. Tu aimes bien. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux, toi, de ton côté, me parler un petit peu de cet artiste ? Qu'est-ce qui t'inspire quand tu l'écoutes ? Qu'est-ce que tu aimes bien ? Est-ce que tu connais des choses sur sa vie personnelle ou pas ? Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Alors, souvent, comme elle a dit Valentine, dans ses sons, c'était mélancolique avec un peu de rap, mais souvent, c'était vraiment... Il allait droit au but, il racontait un peu sa vie. Il maîtrisait un peu tous les styles de rap. Par exemple, souvent, il pouvait faire des sons un peu sombres où c'était lent. Et d'autres sons, par exemple, plus festifs, un peu style été, comme il a fait avec Eus l'Enfoiré. Après, il arrive à mélanger tout. Et c'est dommage qu'il soit mort. Mais du coup, comme il aura peut-être un nouvel album qui va sortir avec des sons du coup, qu'il avait enregistrés avant de mourir. Et moi, j'ai hâte d'écouter l'album. Ok, trop bien. Je te remercie beaucoup. Est-ce que vous savez à peu près, Valentine ou Deyane, hein, avec quel artiste aussi il a fait des collabs, des featurings est-ce que vous pouvez m'en citer peut-être 2-3 ? Il y a SCH. Il a fait, avant de mourir, du coup, il avait fait Piano avec Gims. Il avait fait Pyramide avec Damso. Et après, il y avait beaucoup, mais je m'en souviens plus. Il y a Aya Nakamura. Oui, c'est vrai qu'il a fait un feat avec Aya Nakamura. Est-ce que vous connaissez le nom du coup de son dernier album ? Diamant Noir. Ouais, c'est ça. Il a fini par Diamant Noir. Donc voilà, merci en tout cas à vous deux de nous avoir un petit peu parlé de Ouai Renoir. On en a parlé aussi pour lui rendre hommage. Donc on lui rend hommage de cette façon-là. Et merci à vous du coup d'avoir écouté ce sujet. Merci à vous trois, c'était vraiment super. Maintenant, nous allons passer à Axel, Diabin et Amandine qui vont parler du dernier Mario Kart sorti. Mario Kart World, un incroyable jeu vidéo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre chronique gaming. Aujourd'hui, nous allons prendre le volant et vous présenter le jeu Mario Kart World, le nouveau jeu Mario Kart World. Mais avant de parler de ce sujet, nous allons débuter par une petite histoire de Mario Kart. Et pour nous présenter cette histoire, je vais donc passer la parole à Gabin, notre spécialiste sur le sujet. Eh ben, du coup, Mario Kart, ça a été créé par Shinigo Miyamoto le 27 août 1992 sur la console Super Nintendo. Et quel est le but du jeu ? Quel est l'objectif de ce jeu ? C'est pour la première fois, les personnages de l'univers Mario s'affrontent sur des circuits pleins d'objets farfelus, comme par exemple des bananes glissantes, des éclairs, des champignons qui font accélérer et des carapaces. Et Gabin, quel est le concept du jeu ? Est-ce que c'est un jeu où on joue en solo, à plusieurs ? Alors, c'est plus un jeu multijoueur, du coup, qu'on peut faire local ou qui est arrivé plus tard en ligne. Et il existe qu'un seul jeu, Mario ? Alors non, il existe par exemple Mario Kart DS, Mario Kart Wii, le 8 Deluxe et le Double Dash. Donc on est d'accord pour dire tous ensemble que Mario Kart est un jeu qui fonctionne bien, une recette qui fonctionne pour Nintendo. Mais qu'en est-il aujourd'hui en 2025 ? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de 2025 et du nouveau jeu ? Est-ce que Axel, vous pouvez m'expliquer un petit peu ce nouveau jeu ? Et voilà qu'en 2025, Nintendo relance la machine avec un tout nouveau chapitre, Mario Kart World, sorti le 5 juin 2025, en exclusivité sur la Nintendo Switch 2. Et est-ce que Axel, vous qui avez beaucoup joué à ce jeu, est-ce que vous pouvez m'expliquer les nouveautés ? Qu'est-ce qui est pertinent autour de ce jeu. On peut faire des courses à 24 joueurs, on peut se balader dans un monde ouvert, et on peut se transformer en véhicule en entrant par derrière, comme en camion, en avion ou en aéroglisseur. Et à quoi renvoie ce monde ouvert? Je connais pas très bien le jeu. Qu'est-ce que ce monde ouvert? Ben, une île qui représente toutes les courses, comme le mont Chouchou, le circuit Mario. Vous avez quelque chose à rajouter, Gabin, autour de cette notion de monde ouvert? Non. Et donc, on est vraiment sur un monde libre, à ce que je comprends. Donc, ça ouvre vraiment à la liberté, à des nouveaux circuits. C'est super intéressant. Est-ce qu'il y a des nouveaux modes, un peu? Le mode survie. À quoi ça correspond? Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer? À chaque course, il nous propose un top. Et si on n'est pas dans les certains joueurs, ben on est éliminé. Et à la fin, il ne reste qu'un seul. D'accord, super. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations sur Mario Kart. C'est vrai que le jeu semble très intéressant. Donc on vous invite à ne pas hésiter à jouer à ce nouveau jeu. Et en multijoueur. C'était l'émission du Club Ado avec Raoul en présentateur. On remercie bien tout le Club Ado pour cette incroyable émission. On applaudit tous!